Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le lundi 30 septembre et oui, déjà le dernier jour du mois. Nous souhaitons une bonne fête au Jérôme. Le dicton nous dit, les dictons, nous en avons deux. À la Saint-Jérôme, hoche tes pommes. Si vous en avez cette année, vous êtes des chanceux. Saint-Jérôme venu, sort ta charrue. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la traduction, à l'occasion de la Saint-Jérôme, saint patron des traducteurs, et au Botswana, fête nationale célébrant l'indépendance de 1966. Et dans les événements qui se sont déroulés un 30 septembre, on est dans l'univers musical, puisqu'en 1791, c'était la première représentation de la flûte enchantée de Mozart. Allez, tout de suite, première pause avec Johnny Mathis et son titre « Wonderful, Wonderful ». Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare. Avec son titre Wonderful, Wonderful sur RGM. Un peu plus de 8h34, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 30 septembre 1935, naissance de Johnny Mathis, chanteur américain. 1957, naissance de Fran Drescher, actrice américaine, vue dans la série Madame est servie, une nounou d'enfer dans le rôle de Fran Fine, du côté de chez Fran dans le rôle de Fran Reeves. 1961, naissance d'Eric Stoltz, acteur américain, vu dans Pulp Fiction dans le rôle de Lance, les quatre filles du Dr Marsh, la série télé La vie à tout prix dans le rôle du docteur Robert Yates, Medium ou encore Grey's Anatomy. 1964, naissance de Monica Bellucci, actrice italienne vue dans L'appartement, Doberman dans le rôle de Nathalie alias Nat la Gitane, Mauvais genre, Le pacte des loups dans le rôle de Sylvia, Astérix Obélix Mission Cléopâtre dans le rôle de Cléopâtre, Matrix Reloaded et Matrix Revolution dans le rôle de Perséphone, La Passion du Christ, Chétan ou encore Spectre dans le rôle de Lucia Sciarra. C'est également l'année de naissance d'Anthony Delon, acteur français vu dans La Vérité si je mens dans le rôle de Maurice Aflalo, Danse avec lui dans le rôle de Paul, Un homme et son chien, Police dans le rôle d'Alex, la série télécom Commissaire Moulin ou encore la série Intervention dans le rôle de Romain Lucas. 1968, naissance d'Hervé Renard, ancien footballeur devenu entraîneur français, joueur de 1983 à 98 en jouant à Vannes, Valoris, Draguignan, devenu entraîneur en 99, tout d'abord de Draguignan, de Cambridge, de Cherbourg, de la Zambie, de l'Angola, d'Alger, de la Zambie de nouveau, de Sochaux, de la Côte d'Ivoire, de Lille, du Maroc et depuis cette saison, sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Il a remporté deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter deux Coupes d'Afrique avec deux sélections différentes. 1971, naissance de Jenna Elfman, actrice américaine, connue pour son rôle de Dharma Freedom Flickstein dans la série Dharma et Greg, vue dans Damages depuis 2018 dans la série Fear the Walking Dead dans les rôles de June et Naomi. 1975, naissance de Marion Cotillard, actrice française, connue pour son rôle de Lily Bertino dans Taxi 1, 2 et 3, Jeu d'enfant dans le rôle de Sophie Kowalski, Un long dimanche de fiançailles dans le rôle de Tina Lombardi, César de la meilleure actrice dans un second rôle, La Môme dans le rôle d'Edith Piaf, César de la meilleure actrice et l'Oscar de la meilleure actrice, Public Enemies, Nine, Inception, Les petits mouchoirs dans le rôle de Marie, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans la suite Nous finirons ensemble, sorti l'année dernière. Vu également dans Minuit à Paris, Contagion, De Rouillé d'Os, The Dark Knight Rises, Blood Ties, Assassin's Creed, Rock'n'Roll ou encore Les Fantômes d'Ismaël. 1977, naissance de Matthew Stone, chanteur français, un peu aux abonnés absents depuis quelques années maintenant. 1980, naissance de Martina Hingis, ancienne joueuse de tennis suisse ayant fait carrière de 1994 à 2003, avant de revenir entre 2006 et 2007 et de revenir entre 2013 et 2017. Elle a été numéro 1 mondial en simple le 31 mars 1997. Elle a gagné 3 fois l'Open d'Australie, 1 fois Wimbledon ainsi que l'US Open, 2 fois finaliste à Roland-Garros. Numéro 1 mondial également en double, c'était en 1998. Elle a remporté 5 fois l'Open d'Australie, 3 fois Wimbledon ainsi que l'US Open, 2 fois Roland-Garros. Aux Jeux Olympiques en double, elle compte une médaille d'argent. Elle a été finaliste de la Fed Cup en 1998. Elle a remporté une Open Cup en 2001. 1982, naissance de l'IC Chabert, actrice américaine, vue dans la série La vie à 5 dans le rôle de Claudia Salinger ou encore dans les téléfilms La fille de l'ascenseur ou encore Une mélodie de Noël. C'est également l'année de naissance de Kieran Culkin, acteur américain, frère de Macaulay Culkin, vu dans Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion dans le rôle de Fuller McAllister, le père de la mariée 1 et 2 dans le rôle de Matty Banks, la saison 2 de la série Fargo dans le rôle de Ray Gerhardt. C'est également l'année de naissance de Clément Parmentier, humoriste et comédien français. Français du duo Les Décaféinés, découvert dans On ne demande qu'à en rire. 1986, naissance d'Olivier Giroud, footballeur français, professionnel depuis 2005, ayant joué à Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, club avec lequel il a été champion de France en 2012, Arsenal, club avec lequel il a remporté 3 coupes d'Angleterre. Depuis 2018, il joue à Chelsea, club avec lequel il a remporté une coupe d'Angleterre, notamment la saison dernière, champion du monde 2018, bien évidemment, on s'en souvient. 1991, naissance de Geoffrey Lauvergne, basketteur français professionnel depuis 2009 et ayant joué à Jalon-sur-Saône, Valencia au Partizan Belgrade, à Khimki Moscou, aux Nuggets de Denver, au Thunder d'Oklahoma City, aux Bulls de Chicago, aux Spurs de San Antonio. Depuis 2018, il joue à Fenerbahçe. En équipe de France, il est médaillé d'or au championnat d'Europe 2013, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2015 et médaillé de bronze en Coupe du Monde 2014. 1997, naissance de Max Verstappen, pilote automobile néerlandais, évoluant en Formule 1 depuis 2015, ayant participé à 96 courses, 28 podiums et 7 victoires. 2002, naissance de Levi Miller, acteur américain connu pour son rôle de Peter Pan dans le film Pan, et vu également dans Un raccourci dans le temps ou encore la série télé Supergirl. 1955, décédé James Dean, acteur américain, vu entre autres dans À l'Est d'Éden ou encore La Fureur de Vivre. En 1985, décédé Simone Signoret, actrice française vue dans Fantomas, Les Chemins de la Haute Ville dans le rôle d'Alice S. Gill, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, La Nef des Fous, Paris brûle-t-il, La Vie devant soi dans le rôle de Madame Rosa, récompensée par le César de la meilleure actrice, ou encore L'Étoile du Nord. 1994, naissance de Pierre Sabag, pionnier de la télévision française et créateur du premier journal télévisé en 1949 et en 2010, décédé Stephen Cannell, producteur de télé américaine moyenne de série, hein, donc 200 $ plus les frais, les têtes brûlées, l'agence touriste, Requinter, 21 Jump Street, les dessous de Palm Beach ou encore Le Rebelle. Allez, tout de suite, on s'écoute Matt Houston avec son titre R&B de rue. Je squatte mon Redman et mon Rough Rider, mais allongé avec ma co-préfère, oh. Sur un disque de Joe, tu le sais, on est dans le même camp, toi et moi, négo. Alors même si remballe ton ego, je me fous des on-dit player, OG, c'est le même CV, oh oh. Don't get up, get up, tout le monde dit que le R&B n'est pas du hip-hop, oh oh. Qu'on kiffe parler de sexe pour faire mouiller leur mojito. Don't get up, get up, tous les MC testent les New Jack Illico, oh. Yes, papi, adore, tu dis quoi de sangue? Matt Houston, R&B de rue sur le 107 FM. Il est presque 8h45. On fait un point sur la météo. La météo. Alors, ce sera principalement des nuages avec tout de même du soleil. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés prévues pour cet après-midi. Mardi sera une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 18 et 19 degrés prévues pour mardi après-midi. Mercredi mitigé. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et une actualité chargée entre du cyclisme et les championnats du monde qui se sont déroulés sous des trompes d'eau, ou encore l'athlétisme avec là aussi des championnats, mais alors c'est pas des trompes d'eau, c'est une chaleur abominable. Allez, on commence tout de suite avec du volley et les championnats d'Europe, où c'est la Serbie qui a été sacrée hier. La France termine malheureusement quatrième. Un mot de cyclisme avec les championnats du monde, je vous le disais, sous des trompes d'eau hier, la victoire surprise de Mats Pedersen devant l'Italien Trentin et le Suisse Kung. Le premier français, c'est Tony Galopin qui s'est classé 23e, et Julien Alaphilippe, malheureusement, lui, s'est classé 28e. À noter les abandons pendant ces championnats, notamment de Philippe Gilbert ou encore d'Alejandro Valverde. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Russie qui a été remporté par Hamilton devant Bottas et Leclerc. Pierre Gasly s'est classé 14e. À noter que Romain Grosjean n'a pas terminé. En basket, en National 1, défaite du Jet Vosges à Mulhouse, Pfastatt 98-86. Un mot de handball féminin avec un match de qualification pour l'Euro 2020 où la France a battu hier l'Islande 23-17. Un mot de football avec la Ligue 1. Lyon s'est incliné 1-0 face à Nantes. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Bordeaux. Angers et Amiens fait match nul, 1-1. Metz et Toulouse, match nul, 2-2. Monaco s'est imposé 4-1 face à Brest. Nice et Lille ont fait match nul, 1-1. Dijon s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Reims. Strasbourg s'est imposé 1-0 face à Montpellier. Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Nîmes. Et enfin, Marseille et Rennes ont fait match nul, 1-1. En Ligue 2, Nancy a fait match nul à Clermont, 2-2. En Coupe de France, à noter la qualification d'Épinal, Raon-l'Étape ou encore Thaon-les-Vosges. Un mot d'athlétisme avec les championnats donc à Doha sous une chaleur abominable, je vous le disais. Et malheureusement, nos Français ne brillent pas dans ces championnats, puisque sur le 50 km marche, à noter l'abandon donc de Johan Diniz. En marteau, la Française Tavernier s'est classée 6e. À noter qu'en perche, pas de finale pour Renaud Lavilloni. Sur 100 mètres, pas de finale non plus pour Vico. Et en 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse, champion en titre, a été éliminé en demi-finale. D'ailleurs, il a terminé dernier de sa demi-finale. Un mot de tennis avec le tournoi de Zhuhai où Manarino s'est incliné en finale face à Minor. Cette semaine, tournoi à Pékin et à Tokyo. À Tokyo, un petit peu plus tôt dans la journée, Lucas Pouille s'est imposé en 2-7 face à Urquaz, 6-4, 6-3. Et à Pékin aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Cecchinato. Et on termine avec du hockey sur glace et la D2, premier match à domicile donc de la saison samedi soir à Épinal, qui recevait Chalon en Champagne, et large victoire des Spinaliens, 15-0. On écoute tout de suite la réaction de Kevin Benchaban. Ah Kevin, premier match à domicile, et quel match, victoire 15-0, hallucinant. Chalon qui a tenu un tiers, c'était vraiment serré, même si le score était largement en votre faveur. Mais voilà, après Chalon, ils ont clairement lâché le match. Ouais, c'est sûr que nous, on a travaillé fort dès le début, on a suivi directement le système. On connaît pas les équipes, donc on les joue vraiment sérieux dès le début. Et pourtant, ils avaient quelques étrangers, ils en ont 7, je crois, ils patinaient bien. Mais on a vraiment serré notre jeu, on a joué groupé, puis on n'a rien lâché de la première minute à la dernière minute. Et ça, c'est important pour le reste de la saison. Ouais, c'est leur mental qui a, à mon avis, qui a lâché en cours de rencontre. Quand ils ont vu que vous mettiez des buts les uns après les autres, le score était à peine annoncé qu'il y avait presque un but juste derrière. Ouais, c'est sûr qu'après, je pense que mentalement, si ça avait été l'inverse, c'est vrai qu'on craque plus facilement quand il y a 8-10-0. Leur gardien aussi, c'est dur pour lui. Pourtant, il a fait des très grands arrêts quand même, mine de rien. C'est un bon gardien, mais après, oui, forcément, mentalement, ça devient plus compliqué, et puis ils étaient vraiment fatigués après physiquement. Tu parles de gardien, on va parler du nouveau gardien d'Épinal. Tu peux nous dire quelques mots sur lui? Sergei, c'est quelqu'un qui est très calme, qui parle pas beaucoup dans le vestiaire, mais c'est qui est quand même très collectif. Il encourage quand même le monde. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément son mental et son physique. C'est quelqu'un d'exemplaire. Et je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien cette saison. D'accord. Un mot sur l'ambiance qui reste toujours incroyable à Poisson-Près, premier match. Je ne vais pas prendre de risque en disant que c'était à guichet fermé. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir notre public. Il nous manquait d'avoir autant de monde. C'est cool, surtout pour les nouveaux joueurs qui connaissent ça pour la première fois. Ils étaient bluffés. Et j'espère que ce sera ça toute la saison. Super. Et on termine avec un petit mot sur le prochain match en Coupe de France. avec un déplacement à Amnéville, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, on est tombé contre Amnéville en Coupe de France, là-bas. C'est compliqué de jouer à Amnéville. Moi j'y ai joué là-haut. Et je sais que la glace est quand même compliquée. Là-bas ils sont durs à battre. Même si on les a joués quand même pendant les matchs préparatoires. Là on s'attend à un match quand même difficile. C'est chez eux. C'est petite patinoire, petite glace. C'est pas trop notre jeu, donc jouer avec méfiance. Ok, on va croiser les doigts pour vous. Merci. Voilà donc pour la réaction d'après-match et cette actualité sportive. On va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Clara Luciani et le titre « La Grenade ». Luciani avec La Grenade sur RGM. 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h30, Durablement Vôtre. À 13h30, la rediffusion de La Cristoire du cinéma. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 20h, Le Calendrier de François. 22h30, Sophro Relax avec Jocelyne Chamberlain. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.